Nizi à la prod, check. J'ai pas fermé l'œil. Non. J'ai pas fermé l'œil. Ah. J'ai pas fermé l'œil, je crois que ça m'arrange quand je fais des cauchemars. Fils de pute, pourquoi trouvais-tu ça marrant quand ces connards m'ont tabassé? Je crois que je ne comprendrai jamais les mains. Si j'avais les mains en sang, c'est parce qu'il y en avait plus d'un qui me mettait des grands coups de béquille ainsi que des droites. Je dois rentrer chez moi et qu'au métier j'ouvrais un signe de l'espace. J'ai plus la haine que la 11ème consonne. Alors j'écris cette lettre, une bande de bâtards. Ouais, c'est comme ça que j'écris ces mecs. Ne croyez pas qu'à cause de ça, j'irai me cacher au village. J'ai gratté trop de rimes juste pour le cracher au visage. Ce n'est pas eux qui veulent m'empêcher de réaliser mes plus grands rêves. L'instru n'a pas de kick ni de snare, casser le calme avant la tempête. Mes amis, mes proches m'ont retrouvé dans un sale état. J'ai le moral au même niveau que mes notes à force de parler de ça. À force de parler de ça. Vous êtes fiers de vous de m'avoir défiguré. Mes points ne seront pas comme ce cocard qui serait très si tu sais. C'est pas le récit du siècle mais c'est la vérité. Je raconte mon périple et si tu crèves c'est que tu la méritais. Vous êtes fiers de vous de m'avoir défiguré. Mes points ne seront pas comme ce cocard qui serait très si tu sais. C'est pas le récit du siècle mais c'est la vérité. Je raconte mon périple et si tu crèves c'est que tu la méritais. Ça fait du bien de se défouler les rappeurs. Si vous n'êtes que les rappeurs n'ont pas besoin d'être nombreux pour dérouiller un jeune. Si moi je passe mon temps à boire du rhum t'en déverrouiller, car ça me console comme quand je vois un nouveau succès déverrouillé. Heureusement que mes frères se trouvaient dans les parages. Ouais, je parle bien des mêmes qui m'ont appelé rapace. Si je suis lourd, c'est pas que j'ai trop de kilogrammes, c'est que j'ai trop de style au mic. Un gros rap depuis tout petit, mais je me décris pas comme c'est toxicomane. Ouais, y'a trop de niveau man, car la barre est placée haute. J'ai flas les gros, donc je crasse mes mots avant de trahir le chrome. Et si je rappe, ce n'est pas juste pour me charger les idées. Je pense qu'ils ont besoin d'un lavage de cerveau, car ils m'ont les suivés. Je n'avais que mes bras et mes jambes, guise de protection. Ma croissance est finie. Mais dans le rap, j'suis en pleine progression. Trop de questions sans réponse, voilà pourquoi je m'en pose plus trop. Ma plume est faite comme une équipe de l'exhaleur. Pourtant, j'suis pas poids plume, bro. Ouais. Pourtant, j'suis pas poids plume, bro. Vous êtes fiers de vous de m'avoir défiguré. Mes points ne seront pas comme ce cocard qui serait très si tu sais. C'est pas le récit du siècle, mais c'est la vérité. Je raconte mon périple et si tu crèves, c'est que tu la méritais. Vous êtes fiers de vous de m'avoir défiguré. Mes points ne seront pas comme ce cocard qui serait très si tu sais. C'est pas le récit du siècle, mais c'est la vérité. Je raconte mon périple et si tu crèves, c'est que tu la méritais.